Chapitre 17e, Thomas Ashley. Frank fut le premier à l'accueillir lorsqu'elle rentra. Il faisait sombre, mais il gardait son poil baissé. « Oh maman, quel horrible homme » chuchota-t-il. « Tu sais, ce fromage que tu nous as acheté samedi pour que nous ne mangions pas notre pain tout sec, eh bien, il l'a tout mangé avec la moitié d'un pain, et il a brûlé plein le seau de charbon. Il s'y met à jurer parce qu'il n'y avait pas de viande. » Il nous a dit de vilaines choses, parce que nous ne voulions pas aller au cabaret lui acheter de la bière. « Je lui ai dit que tu ne nous le permettrais pas, maman, » interrompit William. « Je lui ai répondu que s'il voulait de la bière, il pouvait en aller chercher lui-même. Je lui parlais poliment, mais il s'est mis en colère et nous a dit des choses. « C'est bien heureux que Jenny n'y soit pas. « Où est Gar ? » demanda-t-elle. « Gar a eu peur. Le tabac lui a fait mal au cœur. Il s'est mis à pleurer, s'est couché par terre et s'est endormi. » Jane se sentait malade. Elle attira ses deux filles dans la chambre qui éclairait faiblement la lueur d'un réverbère. Elle les serrant dans ses bras, accablée par les angoisses de sa situation, elle appuya son front sur l'épaule de William et fondit de nouveau en larmes. Les deux garçons se mirent à pleurer. « Oh maman, pourquoi ne renvoies-tu pas cet homme ?»« Je ne puis pas, mes enfants, » sanglota-t-elle. « Il restera ici jusqu'à ce que j'aie payé le loyer. Si je ne puis pas, on prendra nos meubles et on les vendra. » Le cœur de William battit. Frank s'écria. « Qu'allons-nous devenir, maman ?»« Je ne sais pas, » fit-elle en gémissant. « Dieu nous aidera peut-être, lui seul le peut. » Patience vint pour la sixième fois savoir si Jane était revenue. Il la fit rentrer dans la chambre froide et sombre. Jane lui raconta l'histoire de sa journée, qu'elle écouta avec surprise. « Je suis persuadée que Thomas Ashley aura été mal renseigné, » dit-elle. « Si vous n'étiez pas étranger dans la ville, je serais portée à croire que vous avez un ennemi qui lui aura affirmé que tu pouvais, mais que tu ne voulais pas payer. Et encore, en ce cas, cela ne ressemblerait pas à Thomas Ashley. Il est bon et compatissant. » M. Dare m'a positivement assuré qu'il agissait au nom de M. Ashley. « Eh bien, je te répète que je n'y comprends rien. Je t'en donnerai la preuve. » Il avait parmi ses locataires un boulanger qui lui devait son loyer. D'année en année, il retardait son paiement. Thomas Ashley, remarque-le bien, lui payait toujours régulièrement son pain. « Pourquoi le payez-vous donc ? » lui demanda-t-on. Parce qu'il est pauvre et qu'il compte sur mon argent et celui de ses autres pratiques pour acheter sa farine, répondit Thomas Ashley. Quand le boulanger mourut, il devait plusieurs années de loyer. Anthony Dare se hâta d'aller chez Thomas Ashley lui demander « Quel jour faudra-t-il saisir les marchandises ?»« Il ne faudra pas les saisir du tout, » répondit Thomas Ashley. Et il alla vers la veuve, lui dit qu'elle renonçait à son paiement et qu'elle pouvait emporter ses marchandises quand elle voudrait. « Voilà, Thomas Ashley. » Jane baissait la tête. « Monsieur Lynn est-il chez lui ? » demanda-t-elle. « Je voudrais lui parler. » « Il est retourné à la manufacture, mais il reviendra vers 8 heures. Je garderai Jenny. Anne et elle s'amusent. »« Patience. Suis-je obligé de nourrir cet homme ?»« Oui, c'est la loi. » Le bruit que fit Patience en quittant la chambre fit sortir l'homme du cabinet d'études, une lumière à la main. « Quand est-ce que votre mère reviendra ? » cria-t-il aux deux garçons. Jane s'avança. « Oh, vous êtes ici ! » grogna-t-il. « Qu'est-ce que vous allez me donner à manger et à boire ? C'est pas mieux de laisser ainsi un garde de police mourir de faim. Vous aurez le thé tout de suite. Je vous donnerai ce que nous avons, » dit-elle tout bas. Jane alluma une bougie et envoya Frank acheter du beurre. Le garde fumait, ainsi qu'il l'avait fait toute l'après-midi, et Gar dormait à côté de lui sur le plancher. William alla prendre l'enfant. Jane fit porter à l'homme du thé, du pain et du beurre. Ce repas lui déplut. Il alla vers elle, déclarant qu'il voulait de la viande, qu'il n'en avait pas eu pour son dîner. « Je ne puis pas vous en donner, » répondit Jane. « Nous n'avons que du pain sec à manger, comme vous le voyez. » Le grossier personnage exhala sa colère en injures, puis sortit pour se venger sur le beurre de l'absence de viande. Vers 9 heures, Jane alla frapper à la porte voisine. Samuel Lynn était assis dans son salon et amusait les deux petites filles par une énigme géographique qui nécessitait toute leur attention. C'était un petit homme maigre, au mouvement lent et calme, à la figure pâle et sérieuse, à la parole sèche et brève. « Tu es dans le chagrin, ami, à ce que j'ai appris, » dit-il en avançant une chaise à Jane pendant que Patience emmenait les deux enfants. « J'en suis fâché pour toi. »« Oui, je suis dans un grand chagrin, » répondit Jane, « et je suis venu vous demander si vous voulez m'aider. Vous le pourriez si vous le vouliez. De quelle manière, ami ?» « Voulez-vous parler pour moi à M. Ashley ? Il vous écouterait peut-être. S'il était persuadé que l'argent lui sera remis au mois de février, il consentirait sans doute à attendre. »« Ami, Je ne puis faire cela, répondit vivement le Quaker. Mes relations avec Thomas Ashley se bornent à la manufacture. Je ne puis les outrepasser. Me mêler de ses affaires particulières ne serait pas convenable. Je ne suis que son serviteur, souviens-t'en. Cette réponse glaça Jane. Elle avait cru que sa dernière chance consistait à se faire recommander à M. Ashley. C'est ce qu'elle exprima. « Pourquoi n'irais-tu pas toi-même auprès de lui, ami ? M'écouterait-il ? » demanda vivement Jane. « Je suis une étrangère pour lui. »« Tu es sa locataire. Quant à t'entendre, il le ferait certainement. Thomas Ashley est un naturel courtois. Le plus pauvre ouvrier de notre manufacture allant se plaindre à lui est sûr d'être écouté. Mais si tu me demandes, s'il t'accordera ta demande, c'est ce que je ne pourrais t'apprendre. Patience suppose que tes intentions lui auront été faussement représentées. Je ne l'ai jamais vu dur envers personne. À quelle heure pourrait-on le voir ? Est-il trop tard ce soir ? Ce ne serait pas le moment maintenant, ami. Il n'y a pas longtemps qu'il est rentré d'un voyage. Il doit être fatigué. J'ai rencontré en revenant James Massey, qui avait été lui parler d'affaires. Tu pourrais y aller demain, à l'heure du déjeuner. Jane se leva et remercia le Quaker. « J'irai sans faute, » dit-elle. « Tu n'as pas besoin de dire que c'est moi qui t'y engagé, ami. Vas-y de ton propre chef. » Jane rentra chez elle avec sa petite fille. Leur hôte désagréable l'attendait à la porte de la chambre pour réclamer son souper. Il insistait pour qu'un des garçons la lui achetait de la bière. Jane refusa avec fermeté et lui offrit 4 sous pour qu'il allât en chercher lui-même. Il se fâcha, jura, l'accusa de vouloir le chasser par ruse et lança l'argent au milieu du corridor. Jenny se mit à crier, Gare à pleurer, Jane courut en haut, suivie de ses enfants. « Où doit-il coucher, maman ? » demanda William. C'était là un fait auquel Jane n'avait pas du tout pensé. Parmi les pauvres de la paroisse de son père, elle avait bien vu des moments de détresse, mais jamais elle ne s'était trouvée elle-même aux prises avec une pareille désolation. Combien la nuit lui parut longue et pénible. Tandis que Jenny dormait paisiblement, Jane arpentait sans bruit la chambre, tantôt se laissant aller aux élans de son désespoir, tantôt s'agenouillant et suppliant Dieu de les secourir. Le matin se leva. La brume avait disparu. Le soleil brillait. Après le déjeuner, Jane mit son châle et son chapeau. La résidence de M. Ashley était située à peu de distance sur la même route. C'était une belle et vaste maison, vrai manoir entouré d'un jardin. Jane avait passé 2 ou 3 fois devant en l'admirant. Souvent aussi, elle voyait M. Ashley aller à sa manufacture ou en revenir, et sa belle figure noble et sympathique l'avait frappée. Elle arrivait dans un mauvais moment. Devant la porte d'entrée attendait une voiture, un groom tenait le cheval. Comme Jane montait le perron, la porte s'ouvrit et M. et Mme Ashley apparurent. Désolée et désappointée, Jane s'avança et pria le premier de lui accorder quelques minutes d'entretien. M. Ashley ne reconnut pas la jolie jeune veuve qui lui parlait. Il ôta son chapeau, lui répondant « Votre affaire est-elle pressante, madame ? J'allais précisément faire une course. Oh oui, sans cela je ne me permettrai pas de vous importuner. Alors entrez, un peu de retard ne sera pas de grande importance. » Ouvrant la porte d'un petit salon, il montra à Jane une place près du feu. En s'asseyant, Jane dénoua les rubans noirs de son chapeau et releva son voile. Elle était pâle comme un linge et tremblait. « Je crains que vous ne soyez souffrante, madame. » remarqua M. Ashley, ne puis-je rien vous offrir ? Je serai mieux dans un instant. Je vous remercie, répondit-elle. Peut-être ne me reconnaissez-vous pas, monsieur, je suis une de vos locataires, Madame Halliburton. Oh, je vous demande pardon, madame. En effet, je ne me reconnaissais pas. Ses manières franches et gracieuses ne ressemblaient guère à celles d'un propriétaire qui va faire saisir les meubles de son locataire. Je suis venu implorer votre patience, votre bonté. Commença-t-elle avec agitation. « Je ne puis pas vous payer maintenant, mais mon loyer sera prêt au milieu de février. Oh, monsieur, ne m'opprimez pas ainsi, songez à ma position. »« Je n'ai de ma vie opprimé personne, » répondit M. Ashley avec un calme, mêlé d'une certaine surprise. « Monsieur, c'est de l'oppression. Je vous demande pardon de le dire. J'ai promis que mon loyer serait prêt au milieu de février. Vouloir vendre mes meubles maintenant, c'est m'opprimer. » « Je ne vous comprends pas, » dit M. Ashley. « Faire saisir mes meubles pour les vendre, ce sera nous ruiner, moi et mes enfants, » continua-t-elle. « Nous n'avons point de ressources, point de maison, nous mourrons de faim. Oh, ne le faites pas !»« Mais vous vous agitez sans nécessité, madame. Je n'ai pas la moindre intention de faire vendre vos meubles. »« Pas l'intention, monsieur. Mais vous m'avez envoyé un garde. »« Je vous ai envoyé quoi ? cria M. Ashley avec une surprise sans borne. « Un garde, monsieur. Cet homme est chez moi depuis hier matin. » M. Ashley la regarda un moment en silence. « Cet homme vous a-t-il dit d'où il venait ?»« C'est M. Dare qui me l'a envoyé. Il agissait en votre nom. Je suis allé chez M. Dare. Il m'a fait attendre 5 heures dans son bureau avant de consentir à me voir, et quand il m'a vu, il a refusé de m'écouter. Il m'a répété que je devais payer mon loyer ou qu'il ferait vendre mes meubles, qu'il agissait d'après vos ordres. » La figure de M. Ashley s'assombrit. « En premier lieu, ma chère madame, permettez-moi de vous assurer que j'ignorais tout cela. Je suis étonné de la conduite de M. Dare. » Jane reprenait courage. « Monsieur, voulez-vous renvoyer cet homme et me donner du temps ?»« Certainement, madame. » Le passage subi du désespoir à la joie fut trop brusque pour elle. Ses larmes longtemps contenues se firent jour. M. Ashley se leva et alla regarder par la fenêtre. Elle se calma. Quand il se rassit, elle lui fit l'esquisse de sa situation, de son espoir de pouvoir se tirer d'affaire en louant ses chambres et en cousant. « Si je devais perdre mes meubles, cela m'ôterait tous mes moyens d'existence, » acheva-t-elle. « Ce n'est pas moi qui vous les ferais perdre, » dit chaleureusement M. Ashley. « Cet homme sera hors de chez vous dans une demi-heure. »« Oh, merci, merci, monsieur, » s'écria-t-elle en se levant. « Je n'ai pas eu de quoi lui donner beaucoup à manger, et il injuriait mes pauvres enfants. Oh, merci, monsieur Ashley. » Il lui secoua cordialement la main et la reconduisit jusqu'à la porte d'entrée. Madame Ashley, gracieuse et jolie femme, à l'air digne et imposant, attendait encore là. Enveloppée de velours et de fourrure, elle n'avait pas voulu rentrer. Jane s'excusa de l'avoir retenue et s'éloigna. M. Ashley retourna dans sa chambre, s'assit à son pupitre et se mit à écrire. Sa femme le suivit. « Qu'était-ce, Thomas ?» lui demanda-t-elle. « Madame Halliburton, cette veuve qui demeure à côté de Samuel Lynn, te souviens-tu que je t'ai dit avoir rencontré le convoi ?» Le petit garçon qui suivait seul. « Oh oui, les pauvres petits. Que te voulait-elle » M. Ashley ne répondit pas. Il écrivait à la hâte. Le billet achevé, il le cacheta et l'adressa à M. Dare. Alors, il aida sa femme à monter en voiture, prit les rênes et s'assit à côté d'elle. Le groom monta derrière, et M. Ashley, descendant l'avenue, se dirigea du côté de Helstonleigh. « Mais Thomas, tu vas du mauvais côté !» s'écria Mme Ashley, tout étonnée. « À quoi penses-tu »« Je reviendrai tout de suite, » dit-il. Son expression était si sérieuse, et il conduisait si vite son cheval, que Mme Ashley comprit que quelque chose l'avait froissé. Il lui fit en quelques mots le récit de ce qu'il venait d'apprendre. « Comment Anthony Dare a-t-il pu agir de la sorte ?» s'écria involontairement Madame Ashley. « Je ne sais pas. Seulement demain, je lui donnerai une leçon qui ne lui plaira que tout juste. Ce n'est pas la première fois qu'il se sert de mon nom pour commettre quelque infamie. » « Perdras-tu le loyer ? Je ne crois pas, Marguerite. Elle m'a assuré que non, et sa figure porte le cachet de la sincérité. Si elle peut me payer, elle le fera, j'en suis certain. Je n'ai jamais encore augmenté le chagrin de ceux qui souffrent, et je ne le ferai jamais. » Il s'arrêta à la porte de Madame Halliburton. Jane venait d'arriver. M. Ashley tendit les rênes au groom et entra. Le garde était confortablement étendu devant le feu de la salle d'études, fumant sa pipe. À la vue de M. Ashley, il cacha précipitamment sa pipe dans sa poche, ses manières insolentes faisant place à un air de basse servilité. « Me connaissez-vous ? » demanda brusquement M. Ashley. L'homme tira sa crinière en guise de salut. « Certainement, monsieur, vous êtes M. Ashley. »« Très bien. » « Portez ce billet à M. Dare. » L'homme prit le billet et le garda dans ses mains d'un air embarrassé. « M'avez-vous entendu ?» reprit M. Ashley d'un ton mécontent. « Je vous demande pardon, monsieur, » fit l'homme faisant mine de partir. « Je suppose que je ne reviendrai pas ?»« Non. » Il prit un petit paquet lié dans un mouchoir bleu qu'il avait apporté avec lui et auquel il paraissait tenir beaucoup, chercha son chapeau, salua M. Ashley et quitta la maison la lettre à la main. Voici ce qu'elle contenait. Cher monsieur, j'apprends que vous avez mis sous saisie les meubles de Madame Halliburton. Je suis fort étonné que vous l'ayez fait sans mon autorisation, surtout avec la connaissance que vous avez de mes principes. Je vous renvoie le garde. Les frais de la procédure seront à votre charge ou à la mienne, selon ce que vous jugerez de plus convenable. Mais vous ne les ferez pas payer à Madame Halliburton. Ayez l'obligeance de venir me trouver demain matin, Thomas Ashley. « Il ne vous en ira plus, Madame Halliburton, » dit M. Ashley avec un sourire en remontant en voiture. Jane était à la fenêtre. Elle regardait l'homme s'en aller à Helstonleigh, la lettre à la main, et M. Ashley fait retourner son cheval et remonter la route de Londres. Mais toute chose était pour elle enveloppée d'un brouillard, car ses yeux étaient humides. « Dieu m'a entendu !» se disait-elle avec ferveur.